Ça fait maintenant 2 heures qu'on se connaît. Je sais que tu mets du lait dans ton café, que tu ne portes pas de bague au doigt. Bref, je sais tout de toi. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Ça fait maintenant 2 heures qu'on est mariés. Je te connais par cœur comme si je t'avais fait. D'ailleurs, à ce propos, serait temps d'essayer. Ne me dis pas que tu n'y as pas pensé. Faut faire un bébé. Faut faire un bébé. Faut faire un bébé. Faut faire un bébé. Ça fait maintenant 2 heures qu'il est né. Il a mes yeux, mais c'est ton nez. Regarde, il a déjà la tête ailleurs. Peut-être qu'il voudrait une petite sœur. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Ça fait maintenant 2 heures, tu me prends la tête. Même plus de guili-guili sous la couette. C'est pas vraiment comme ça que je voyais les choses. Ce serait peut-être bien de faire une petite pause. Il faut séparer. Il faut séparer. Il faut séparer. Il faut séparer. Ça fait maintenant 2 heures, tu m'as quitté. C'est dingue ce qu'on peut faire dans une journée. Le tout c'est de ne pas se laisser aller. J'irai bien boire un petit café. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Yeah! Ça fait maintenant 2 heures qu'on se connaît. Je sais que tu mets du lait dans ton café, que tu ne portes pas de bague au doigt. Bref, je sais tout de toi. La la la la la la la.